Question 13. Je suis concerné par cette signalisation si je tracte une caravane? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une remorque chargée? Oui, réponse C. Non, réponse D.